Dolbeau Auto a décidé de souligner le mois de l'arbre et de la forêt en vous proposant le Silverado 1500 édition 4x4 à seulement 175 $ aux deux semaines, à 1,5% de location pendant 48 mois ou obtenez 11 000 $ sur certains camions. Dolbeau Auto, 1770 Boulevard Wahlberg, au téléphone 418-276-0580. Le printemps est enfin arrivé et pour vous préparer pour la belle saison, le magasin Canadian Tire est fin prêt. Que ce soit pour les articles de piscine, tondeuse ou le centre du jardin qui ouvrira très bientôt, le magasin Canadian Tire a tout ce qu'il vous faut. Canadian Tire, 1751 Boulevard Vézina à Dolbeau-Mistassini. CanadianTire.ca. Le magasin Canadian Tire tient à souligner le mois de l'arbre et de la forêt. La forêt, un des moteurs économiques de notre secteur. On va parler avec Mark Griffin. On va faire le tour de ce qui se passe dans l'actualité. Ce que j'ai annoncé ce matin, semble-t-il, qu'un rappel imminent avec Vladimir Guerrero. On en parle avec Mark Griffin de RDS. Salut, Mark. Salut, Dan. Mark, avant de parler, ce que j'ai lu ce matin, à moins que mon anglais... Étant donné que je suis au Lac-Saint-Jean, tu comprendras que mon anglais est pas terrible, là, mais je suis quand même capable de lire des articles en anglais, là. Et ce qu'on apprend selon Jay's Journal, c'est que Ross Haskins était au New Hampshire au cours des derniers jours, puis un rappel semble-t-il est imminent dans son cas. Mais ça, on va en revenir tout à l'heure. Je veux te parler, parce que toi, ça va t'intéresser beaucoup, puis t'es en bonne position pour me parler. La semaine passée, moi, je veux faire le tour cette année des Québécois qui évoluent dans les différentes ligues associées, qui sont dans les différentes ligues mineures. Et j'ai commencé la semaine passée avec Abraham Toro, qui est dans l'organisation des Astros de Houston. J'ai parlé de son salaire, parce qu'il y avait un article qui avait sorti dans la presse plus, puis Abraham gagne à peu près 1200$ par mois. Ils sont quatre dans un appartement. Ils sont, après ça, lui, puis c'est 1200$, puis là-dessus, il y a des types, faut qu'il donne à tout ça, mais tu sais, toute une histoire, là. Marc, la question que je me suis posée, et Abraham, quand je lui ai parlé de ça, je voyais quand j'embarquais sur l'interdiction, mais je vais t'apposer. L'association des joueurs fait quoi d'une affaire de main? Absolument rien. Moi, là, je vais te dire, là, j'ai été aux premières loges de la grève de 94. Ouais. On s'en rappelle, les partenaires des expos vont s'en rappeler, la grève de 94, là. Ouais. Mais durant les négociations, il y a beaucoup de joueurs, parce que là, rappelle-toi, là, il y a beaucoup de joueurs des ligues mineures qui sont quand même allés au camp d'entraînement. Ouais. Et là, l'association des joueurs avait fait des rencontres pour dire, hey, les gars, aidez-nous, encouragez-nous, là, jouez pas des matchs pré-saison. On est en lockout, tatatata. Ouais. Et là, la voix des ligues mineures s'est élevée en disant, ouais, mais les gars, vous faites quoi pour nous autres? Je comprends que les ligues mineures, c'est pour te rendre, l'objectif, c'est de te rendre dans les ligues majeures. Tu peux pas faire une carrière dans le baseball professionnel mineur. Ouais. Tu sais, il va falloir qu'à 25, 26, t'as vu le salaire, là, c'est 1200, puis là, bon, tu vas monter à 1500, mais 1500$, là, tu vas loin. C'est sûr. C'est par mois, puis c'est sur les mois que tu joues, là. C'est pas par année, c'est pas annuel, là. C'est 1200$ de avril au mois d'août, parce que t'es pas payé pour les séries. C'est de avril à août que tu fais 1200. Fait que tu fais pas beaucoup d'argent, on se comprend, là. Marc, à part de ça, il y a quelqu'un, il y a un parent des joueurs qui parce que j'en ai parlé, puis il y a un parent des joueurs qui était dans l'organisation des Red Sox, son joueur des Red Sox de Boston. Je le nommerai pas pour garder de l'anonymat, là. Puis il est venu me parler, puis il m'a dit que c'est pas tout, là, ce que tu dis là est vrai, mais à part de ça, l'hiver, il y a tellement un programme d'entraînement physique que le gars peut même pas le temps de se trouver une job pour compenser, là. Ouais, ben là, écoute, tu sais, je veux dire, tout le monde a des choix à faire à un moment donné, là, parce que je te dirais que la grande majorité des joueurs vont avoir un travail durant la saison morte, parce que à un moment donné, tu t'es rendu quand même dans la vingtaine, puis les Américains se marient tôt, là, il y a des gars qui, écoute, moi, j'ai connu des gars mariés avec des enfants, avec des salaires comme ça, là, puis alors, imagine-toi que durant l'hiver, même si t'avais un entraînement, un programme d'entraînement sévère, là, ou en tout cas, disons, intense, ça reste qu'il faut que tu travailles, tu sais, faut que tu gagnes ta vie à un moment donné. C'est sûr que, regarde, ça a toujours été le même. Les conditions, c'est que reste pas dans la ligne mineure. Monte ton talent. Ça s'épure tout seul, hein. Tu sais, le repêchage chaque année, il y a 20-25 nouveaux joueurs qui rentrent dans l'organisation, ben, il y en a 20-25 qui partent. Puis là, la roue tourne. Puis là, à un moment donné, ben, t'essaies de te rendre là. Mais, je veux dire, c'est connu. Moi, quand j'ai signé, tout le monde me disait, ben, regarde, Marc, on va te donner 4, 5, 6 ans pour réussir. Puis, voici à peu près l'échelle salariale. Moi, j'ai commencé à 800. Là, vois-tu, c'est rendu 1200. Mais c'était 800 piastres par mois, même chose. Tu avais signé, Marc, un contrat, je me rappelle très bien, parce que je me rappelle très bien que quand tu avais signé avec les Dodgers, comment les lignes ouvertes, comment Claude Brochu avait été planté sur les lignes ouvertes, parce que c'est 100 000 $ à l'époque que tu avais signé. Puis 100 000 $ tu me l'as dit avant dans ton nom, c'est équivalent à 2,5 millions aujourd'hui. Là. Ouais, j'ai peut-être plus, mettons, 1,5, 1,6, là, okay, c'est sûr. Mais ouais, écoute, puis, je veux dire, c'est dur la vie dans les mineurs. Là. Ouais. Les gens pensent à ces baseball professionnels. Moi, toute ma vie, les gens pensaient que j'étais multimillionnaire. Là. J'ai dit, écoutez, là, regardez là, mes salaires, c'est incroyable. Puis moi, j'ai eu l'occasion d'avoir un bonus de signature à l'époque qui était intéressant. Donc, j'ai pu mettre ça sur un 5-6 ans là, de développement. Ça faisait en toute sorte que je pouvais avoir quelque chose d'intéressant, mais c'est pas la plupart des joueurs qui sont comme ça. Non, absolument pas. Puis moi, une des raisons pour laquelle j'ai réussi peut-être à avoir cet argent-là, c'est que les joueurs canadiens, à mon époque, j'étais un joueur autonome. Ouais. Fait que t'avais 3, 4, 5, 6 organisations après toi. C'est la même chose dans le cas de Denis Boucher ou même dès 91, si ma mémoire est fidèle, là, les Canadiens ont passé par le repêchage. Donc, des gars comme Taureau ou n'importe qui, les Charles Leblanc de ce monde, les gars sont repêchés. Bon, ben, la ronde que t'es repêché, l'équipe que t'es repêché, t'as pas le choix, tu y vas ou tu y vas pas. Alors, si t'es repêché en 17e ronde, 20e ronde, 32e ronde, ben, on va te donner un petit boni de 2000$ puis viens-t'en avec nous autres. Regarde, c'est le prix à payer. Je te dis pas que c'est correct, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Les gars le savent, tu veux pas traîner dans les rangs mineurs, puis tu veux qu'à 23, 24 ans, que tu sentes que tu as vraiment une chance de progresser puis te rendre en haut, parce que c'est en haut que ça se passe, évidemment, en termes monétaires. Mais à quelque part, Pascal, là, pas Pascal, mais Marc, à quelque part, à la fin de la journée, tu sais, le baseball est en compétition avec le basket et le football aux États-Unis. Ouais. Si tu as des afro-américains, il y en a de moins en moins là, qui pratiquent. Ben, la raison principale, c'est ça. Une des raisons principales, c'est ça. Et le fait aussi que... les gars là, les noirs américains là qui sont excellents au football, au basketball, ben ils peuvent passer de la NCAA directement à la NBA ou à la NFL. Au baseball, ben écoute, faut que tu tapes au moins 2 ans d'autobus de ligue mineure de 1200$ par mois, parce que même si c'est un choix de première ronde, tu fais 1200$ par mois pareil là. Tu comprends ce que je veux dire? Donc c'est sûr qu'on a perdu de bons athlètes, c'est pour ça que je fais du coq à l'âne un peu, mais c'est pour ça qu'un gars comme Otani qui arrive, qui peut faire les deux sports, qui peut jouer les deux positions, moi, je trouve ça rafraîchissant, parce que ça va peut-être amener encore de meilleurs athlètes à jouer au baseball, dire, écoute, moi, je peux lancer puis frapper, je vais l'essayer un peu plus que, tu sais, aller jouer au basketball, parce que mon rêve, c'est de jouer au baseball. Alors, moi, je pense que ça, il y a des bonnes choses qui s'en viennent, mais ça reste que c'est extrêmement difficile. Parce qu'il faut que tu planifies qu'une carrière du baseball majeur, faut que tu passes au moins un 2-3. C'est plus rapide maintenant, mais c'est au moins un 3-4 ans dans les rangs mineurs, ce qui fait que faut que tu manges tes croûtes à ce moment-là, puis c'est pas toujours facile. Avant, on disait que c'était 1000 manches dans les ligues mineures et 2000 apparitions. Ouais, mais c'était au 1000. Moi, à mon époque, on disait 1000 présences, 1000, mais bon. Je veux dire, tu sais, le développement, le baseball est un sport à développement tardif. Hein, tu t'atteins ton pic, là, 27, 28, 29 ans, là, t'es probablement dans le prime, parce que t'as non seulement les habiletés physiques, mais t'as aussi la connaissance du jeu, tu sais, le baseball IQ que j'aime appeler, qui est vraiment à son top. Alors, c'est pour ça que les joueurs peuvent se développer un peu plus rapidement ou un peu moins rapidement. Et c'est là le flair des organisations de dire, OK, lui, là, regarde, il n'y a pas des grosses statistiques dans le A ou dans le 2A, mais on sait que ça s'en vient, son affaire. Alors, là, faut que tu sois patient avec ces gars-là. C'est pas facile d'être détecteur de talent et surtout détecteur de talent qui va se développer adéquatement. C'est tout un art. C'est pour ça que quand tu en trouves un bon dans une organisation, là, paye-le puis garde-le. Et les dépisteurs aussi poussent. Le parent du joueur qui a joué dans l'organisation des Red Sox m'a dit que son garçon, ben c'est sûr qu'un parent va toujours prendre pour son garçon, là, sauf qu'il m'a dit qu'il avait été un petit peu Il jouait derrière un autre receveur et là, l'autre receveur a été poussé par beaucoup, beaucoup par les dépisteurs. Il y a des dépisteurs aussi qui travaillent en arrière de ça. Ben, tout le monde. En fait, ouais. moi, on me faisait dire à l'époque, ouais. Assure-toi quelqu'un dans l'organisation t'apprécie beaucoup. Essaie d'impressionner au moins une personne dans l'organisation qui va pousser pour toi. Mm. Que ce soit un dépisteur, que ce soit un entraîneur au niveau A. Alors, c'est évident que regarde, là, t'es un gars du Québec, peut-être repêché ou même signé comme joueur autonome. Tu joues à la même position qu'un choix de deuxième ronde, qui a peut-être un an ou deux de moins que toi. Le gars va jouer avant. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Des fois, on est pris dans l'organisation, puis toi, ben, t'es tassé. T'es un Canadien. Puis tu prends un visa de travail, parce que ça aussi, c'est un autre aspect pour nos joueurs canadiens où il y a un visa qui est pris. Ben, ce visa-là, chaque organisation a un nombre limite de visas. Mais là, tu vas-tu signer un Dominicain à 16 ans ou un Canadien à 21 ans? Tu comprends? Alors, il y a plein de décisions, là, qui font parfois que oui, il y a des affaires qui sont contre les joueurs du Québec, il n'y a pas de doute. Mais tu peux quand même faire ton bout de chemin, tu peux quand même impressionner, puis à un moment donné, tu peux quand même forcer l'organisation à dire, regarde, c'est lui qu'il faut qu'il joue. Puis on en a beaucoup de ces joueurs-là. Là. Abraham en est un, Charles Leblanc en est un autre présentement. Les gars sont en train vraiment d'impressionner. Ouais. Puis c'est des noms qu'il faut retenir là, au cours des deux, trois prochaines années. Rapidement, Marc, je veux finir là-dessus. Moi, ce qu'on me dit, c'est qu'il y aurait une espèce de... On est en train de recours collectif actuellement dans le baseball mineur, mais les joueurs ne veulent pas signer parce qu'ils ont peur d'être coupés. Puis sinon, c'est compréhensible. Ben, c'est fait des années. Écoute, dans mes années, c'était comme ça. C'est encore le cas. Je comprends les gars des mineurs à essayer. Mais m'a dit en faire... Le syndicat le plus puissant, ou en tout cas certainement un des plus puissants aux États-Unis, c'est le syndicat des joueurs de baseball des ligues majeures. Ouais. C'est pas facile. Ouais, non. Puis moi, ce que je dirais, c'est de au moins, tu sais, des histoires de 3-4 par appartement. Là, c'est au moins de. Tu sais, la Ligue américaine de hockey, un joueur de la Ligue américaine gagne à peu près 50 000. Là. 50 000, t'es capable de te payer un appartement puis de vivre respectablement. C'est ça que au moins que ça deviendrait comme ça. Là. Mais tu sais, ça fait 75 ans que c'est comme ça, Danny. Puis tu sais, les gars se sont débrouillés. Puis qu'est-ce que tu veux que je te dise? On vit un peu sur le passé. Puis, mais regarde, je l'ai vécu. Là, j'ai fait mes 6 années pro dans les mineurs. Là, puis les 3 premières, ben on était 4 dans un 4,5. Puis on s'endurait pas tout le temps, mais on a fini par y arriver. Marc, si je lis bien mon anglais, habituellement, je suis quand même pas potable. The Jays Journals, qui est un site internet où on ne parle que des Blue Jays, très bien fait d'ailleurs. On dit ce matin, je lisais l'article, que Ross Haskins était à Worcester au cours des derniers jours et un rappel serait imminent dans le cas de Vladimir Guerrero. Il explique que le fait que Donaldson est blessé, il explique également que Kendry Morales va nulle part, que là Guerrero, là, c'est une question de jours peut-être avant son rappel. Est-ce que c'est ce que tu crois? C'est sûr que, tu sais, on se cachera pas, Vladimir va être rappelé cette année. Là. Moi, c'était toujours la question quand, parce que faut pas oublier là, que si tu le rappelles trop tôt, ben ces années d'admissibilité à l'autonomie vont être plus rapides. Alors tu veux pas, est-ce que tu veux perdre le gars? Bryce Harper devient joueur autonome à 25 ans, tu comprends? C'est très rare, mais là, à 19 ans, il y a cette question-là. Après ça, oui, la question de Donaldson, c'est extrêmement décevant la saison de Donaldson. Morales, qui est prêt avec pour 12 millions l'année prochaine, là. Il y a eu, tu sais, je veux dire, c'est pas évident. Le meilleur scénario, c'est que Donaldson connaisse une bonne saison, puis que tu puisses avoir une valeur pour l'échanger. Et là, sa valeur a diminué parce que le gars joue pas. Il est blessé tout le temps. Alors moi, je pense que je veux pas que Vladimir Guerrero soit rappelé pour sauver la saison des Jays. Je veux qu'il y ait un plan. Que ce soit Bijo, que ce soit Bichette, que ce soit Guerrero. Là, les Blue Jays là, sont en voiture. Là. L'avenir des Jays est incroyable. Il y a plein de bons jeunes qui s'en viennent. Tu as des Sanchez, des Strowman qui sont jeunes. Il y a quelque chose de bien intéressant dans cette organisation-là. Mais manquez pas votre coup. Là. Manquez pas votre coup à rappeler un gars trop tôt parce que, tu sais, Vlad, il frappe. Est-ce que défensivement, il est prêt? Est-ce qu'il est prêt à accepter l'échec? Parce que, dans le sens, il peut arriver dans le baseball majeur, frapper 200 le reste de l'année. Là. Il y a beaucoup de facteurs autres que juste frapper une balle qui va entrer en ligne de compte. Moi, je veux juste qu'on s'assure que quand il est prêt, il est prêt. puis qu'on assume notre décision. Marc, j'y vois les matchs parce que je suis abonné à Minor League TV. Ouais. Je suis plus les Fisher Cats que les Blue Jays. Là. J'écoute plus les... Je peux dire que Guerrero, c'est pas Mike Schmidt. Là. Défensivement, là, c'est pas Mike Schmidt. Non. Je le verrai au champ gauche. Moi, je le verrai au champ gauche. C'est drôle, hein? Au baseball, au champ gauche, tu caches un joueur défensivement. C'est là que je le verrai, moi, des majeurs. C'est drôle, hein? Ben, moi, je pense que ce que tu dis est intéressant, mais ce serait au niveau 3 que je le ferais. Moi, j'aimerais ça que ce gars-là ait passé un petit 2-3 semaines. Ouais. Parce que, tu sais, la différence entre le 2A et le 3A est pas énorme, là. Ouais. Le talent, là, bon. C'est juste que les gars, dans le 3A, t'as des gars d'un peu plus d'expérience. OK? C'est des gars, là, que tu peux rappeler 2 semaines, là, puis t'es retourné dans les mineurs. Tandis que dans le 2A, c'est tes joueurs d'avenir. Donc, le talent, là, c'est sensiblement à ma faute. T'as juste un petit peu plus d'expérience. Tu sais, va le tester. Moi, je pense que Vlad, il faut qu'il soit un peu plus polyvalent. Tu peux pas dire, lui, c'est un troisième but à 19 ans. Tu sais, j'aimerais ça. Je suis tout à fait d'accord avec toi que ce gars-là puisse être capable de prendre des balles au champ extérieur, trouver une place pour lui. Peut-être qu'il va finir au troisième, mais au moins, ça t'ouvre une possibilité de le mettre peut-être comme joueur de champ et de s'assurer que son bâton est dans la formation. Alors, ça, c'est un point intéressant. Ouais. En terminant, Marc, dernière question que je veux te parler. Cette semaine, j'ai vu ça sur Encore Baseball. On demandait aux gens quel est le visage du baseball majeur en 2018. Ouais. Moi, je pense que c'est Otani. Hein? Bon, écoute, moi, je veux dire, c'est pas facile d'en dire un, là, parce que, tu sais, je veux dire, t'as des gens qui trippent sur les lanceurs, t'as des gens qui trippent sur la puissance, t'as des gens qui trippent sur un paquet d'affaires. Écoute, je trouve ça super que c'est Otani, pour les raisons que j'ai données tantôt, c'est que, moi, j'espère que ça va continuer son succès de faire les deux, parce que ça va juste amener des meilleurs athlètes au baseball. Ben, tu sais, moi, là, personnellement, bon, j'adore Jose Altuve, je trouve qu'Aaron Judge est un joueur extrêmement intelligent, puis tu sais, il y a bien des belles choses, mais tu sais, enlevez pas mon Mike Trout, là, moi c'est le meilleur joueur de tout l'univers. Ce gars-là est en train, on est chanceux de vivre et de voir l'ère Mike Trout, parce que je vous dis, là, ce gars-là est en train de devenir, enfin, il est probablement déjà, là, mais statistiquement, va devenir le meilleur joueur au monde. Ah ouais. Et il joue dans notre époque, alors moi, je trouve ça tout à fait extraordinaire de pouvoir... Comme équipe, je l'ai dit, c'est les Braves d'Atlanta. Moi, j'ai la chance de... Ah, absolument. Ils sont intéressants, ils sont excitants. Avec Ozzie Albies et le deuxième frappeur, pas aussi non, mais Acuna. Acuna qui est malheureusement blessé, mais écoute, on a... je suis tout à fait d'accord, c'est la surprise dans la Nationale. Et qui aurait dit, là... Tu sais, nomme-moi les équipes de tête dans la Nationale, là. C'est les Braves, les Brewers, les Rockies. Fait que c'est intéressant quand même. Alors, il y a une belle parité internationale qu'on a peut-être un peu moins dans l'américaine cette année. Fait que ça va donner une belle bataille, mais les Braves, c'est certainement... Et je voudrais même les Phillies, à quelque part, sont en train de redorer l'image de la division Est de la nationale. Les Nationals ne sont plus seuls. Puis, je regarde les Braves, c'est la même époque que quand Chipper Jones est arrivé, Andrew Jones, Glavin, Avery, c'était une jeune équipe à l'époque, là. Ce qu'on vit là, c'est à peu près la même époque, là. Et puis, oublie pas qu'on leur a enlevé quelques joueurs d'avenir, là, avec Santopoulos, c'est la question. Marc, un gros merci, on va te perdre. Fait que, un gros merci, on s'en parle bientôt. Merci. Marc Griffin, notre collaborateur baseball.